بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا في دراسة كتاب دعائم منهاج النبوة الذي ألفه الإمام والعالم محمد سعد رسلان حفظه الله تبارك وتعالى ووصلنا إلى باب من أبواب هذا الكتاب يسمى علامات أهل البدع علامات أهل البدع Donc nous sommes arrivés un chapitre où nous sommes dans la continuité d'un chapitre que nous avions déjà entamé la semaine dernière, qui s'intitule « Les signes distinctifs des gens de l'innovation » ou « Les signes distinctifs des innovateurs ». Bien sûr, les innovateurs dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Je vous avais expliqué que le Mu'allif avait cité 12 signes distinctifs, bien sûr, qui ne constituent pas une liste exhaustive. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus probants, les plus répandus et ceux par lesquels ils se caractérisent le mieux. Non ? Alors, afin de faire un petit récapitulatif de ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, nous allons les réitérer et essayer de nous rappeler un petit peu ce qui avait déjà été dit. Donc, le premier signe par lequel ils se caractérisent, et si ce n'est le plus important, comme dit l'auteur, c'est Al-Furqa. Al-Furqa qui signifie la division. En effet, les gens d'innovation, d'une manière générale, du fait qu'ils ont contredit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont amenés à se diviser, à se quereller, à se disputer. Chacun relevant l'étendard de ce sur quoi il est comme voie déviante. Et effectivement, Allah nous a interdit dans le Coran et le prophète nous a interdit à travers sa sunna la division, la dissension, la discorde, l'opposition. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » Ne soyez pas comme ces associateurs, ceux-là même qui ont émietté leur religion, divisé leur religion, afin de se constituer en clan, chacun étant content de ce qu'il a. Effectivement, chacun, comme je le dis souvent, combat pour son étendard et pour la voie, la philosophie ou la conception sur laquelle il est. Donc, Al-Furqa, c'est strictement interdit. Et Allah dit aussi, tabaraka wa ta'ala, c'est un verset qui est très important, car dans ce verset, Allah innocente le prophète de toutes ses divisions et de toutes ses dissensions. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, fi surat al-An'am, إِنَّ الَّذِينَ فَغْرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعَ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ Ceux qui ont divisé leur religion et se sont constitués en clan ou en secte, de cela, tu n'es responsable de rien. Donc ici, Allah a innocenté son prophète en lui disant, de ces gens-là, de leur acte, de leur dissension, de leur division, tu n'es responsable de rien. Ces versets nous prouvent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais appelé à ceci. Le prophète n'a jamais appelé à la division, à la dissension, à la discorde. Et nous avions ramené des textes du Coran, de la Sunna et des paroles des salaf salih. Naam. Je vous en rappelle quelques-unes. Lorsque Allah disait tabaraka wa ta'ala وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Et nous avons jeté parmi eux ou entre eux l'iniquité et la haine jusqu'au jour du jugement. L'imam Ibrahim al-Naha'i a dit ceci, ce sont les polémiques et les querelles. À cause de polémiquer dans le faux et de se quereller sur des choses de la religion, sans se baser sur des preuves du livre d'Allah et de la Sunna du prophète, on en arrive tout simplement à quoi ? À éprouver de l'aversion et de la haine et de l'animosité envers tout contradicteur. Non ? Donc, voici le premier signe, si ce n'est le plus probant et le plus significatif par lequel il se caractérise, Al-Furqa. Le deuxième signe que nous avions cité la semaine dernière, c'est Ittiba' al-Mutashabi. C'est qu'ils suivent, les gens de l'innovation suivent les versets coraniques qui ont des sens équivoques, qui peuvent prêter à plusieurs interprétations, ou dont l'interprétation n'est connue que des grands savants qui sont enracinés dans la science. Et on avait aussi ramené le verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umu al-kitab. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets clairs sans équivoque qui constituent la base du livre. Al-ayatul muhkamat. Et d'autres versets équivoques, qui ont besoin d'être expliqués à la lumière des versets muhkam, qui sont sans équivoque justement. Alors, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرُونَ. Quant à ceux qui ont une déviance dans le cœur, et rentrent dans ces gens-là, les gens de l'innovation, les gens de la passion et autres. Là, ceux qui ont une déviance dans le cœur vont justement chercher ces versets à équivoque afin de les expliquer à leur manière. Ibtira at-ta'wili, at-ta'wil al-fasid, en essayant de leur trouver une mauvaise interprétation ou alors une interprétation qui viendrait conforter ce sur quoi ils sont comme voie déviante. Jusqu'à même tordre le cou des textes, comme disent les savants. Non, c'est-à-dire vraiment chercher une interprétation à travers ces versets, tirée par les cheveux, comme on dit. Non. Et ils cherchent aussi par là même la discorde et la fitna. Donc, ceci fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Et je vous avais cité la parole de l'imam Shatibi, parole très importante, qui avait dit que les gens de la sunna, ils considèrent la sharia, la législation de l'islam, de façon uniforme, ka suratil wahida. C'est-à-dire, yadumuna atraf al-shari'ati ba'daha ila ba'd. Ils joignent tous les textes sur une même problématique, ils joignent tous les textes du Coran et de la Sunna, ils en tirent les règles religieuses. Contrairement aux gens de l'innovation, qui eux, ne font pas ce travail. Eux, iront chercher des versets ou des hadiths qui viendront conforter leurs règles déjà établies à l'avance. Naam. يرجعون إلى الكتاب والسنة للاعتضاد أما أهل السنة والجماعة يرجعون إلى الكتاب والسنة للاعتماد comme on l'avait déjà expliqué. Les gens de la sunna reviennent vers le livre d'Allah et la sunna du prophète afin de s'appuyer dessus et d'en sortir les règles religieuses. الاعتماد. Non. C'est-à-dire qu'ils prennent le livre d'Allah et la sunna du prophète comme une base, comme un fondement sur lequel ils s'appuient. Quant aux gens de l'innovation, ils reviennent au livre d'Allah et à la sunna du prophète non pas pour s'appuyer dessus, mais pour venir puiser en eux ce qui viendrait conforter leur voie déviante. L'artidad, comme on avait dit. L'artidad, c'est-à-dire le fait de porter quelque chose sur ses épaules. Non. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose, tiba' al-mutashabi, le fait de suivre ces versets à équivoque, c'est quelque chose qui vient en opposition à ce sur quoi sont les gens de la sunna. Ça, c'était le deuxième signe. Le troisième, c'était tiba' al-hawa. Tiba' al-hawa. Le suivi des passions. Naam. Tous les gens de l'innovation, quels qu'ils soient, suivent leurs passions. Naam. Alors que le contraire n'est pas forcément vrai. Les gens qui suivent leurs passions ne sont pas forcément innovateurs. Mais le contraire est vrai. Toute personne qui suit des voies déviantes, sciemment, volontairement, de plein gré, avec leur conscience, suivent forcément leur passion. Et ceci, on les déduit d'un verset coranique qu'on avait cité la semaine dernière, où Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ce qui signifie, et s'ils ne répondent pas à ton appel, à l'appel du prophète, sache alors qu'ils suivent leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans se baser sur une guidée d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Donc vous voyez que de deux choses l'une, comme a dit Al-Mu'allif, l'auteur de ce livre, Al-Qismatun Thuna'iyatun, c'est une division à deux branches. Ou bien on suit, on répond à l'appel du prophète et on suit sa sunna, ou bien on suit les passions. Il n'y a pas d'autre alternative. Et on avait expliqué, on avait ramené aussi des paroles des salaf sur ça. Quatrième caractéristique par laquelle ils se caractérisent, c'est qu'ils mettent en opposition la sunna au Coran, au livre d'Allah. Ils mettent en opposition la sunna du prophète, authentique bien sûr, au Coran. Que ça soit de façon directe et tranchante, ou que ça soit de façon indirecte. De façon directe, comme ceux qui disent, nous ne considérons pas la sunna comme étant une source de législation à part entière. Non, c'est ce qu'on appelle « al-Qur'aniyoun ». Ils ne prennent que du Qur'an. La sunna, ils y font abstraction, « jumlatan wa tafsila », dans ses détails, dans sa globalité. Et on avait cité un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été rapporté par Ibn Majah, ou « al-lafdu lahu », et les termes que je vais citer sont de Ibn Majah, d'Abu Dawud al-Ahmad, et qui a été authentifié par l'imam al-Albani, et l'imam al-Hakim l'a aussi rapporté dans le Mustadrak et a confirmé son authenticité d'imam al-Zahabi. C'est un hadith authentique, mes frères. Où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, yushiku rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi fayaqul baynana wa baynakum kitabullah. Non? Baynana wa baynakum kitabullah. ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Le prophète a dit à cette fois salam, peu s'en faut qu'un homme allongé sur sa couche ou sur son support duquel lui est relaté un de mes propos et dit: au final, entre nous et vous, il y a le livre d'Allah seulement. C'est comme s'il disait, épargne-nous la sunna. Celui qui jugera entre nous et vous, c'est le Coran, Kitab Allah. Ce qu'on trouvera dedans, dans ce livre, de licite, on le considérera comme tel. Et ce qu'on trouvera dedans comme illicite, on le considérera comme tel, comme illicite. Mais le prophète a enlevé cette ambiguïté tout de suite. Et il a dit, certes, ce qu'a interdit l'envoyé d'Allah est comparable à ce qu'a interdit Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est une règle, mes frères, que vous devez avoir en tête. C'est que dans les règles religieuses, dans le halal ou le haram, dans le statut des choses, à savoir si la chose elle est obligatoire, recommandée, permise, déconseillé ou illicite, il n'y a aucune différence entre la parole d'Allah et la parole du prophète. Il n'y a aucune différence. Naam, yahdhu hadwa, comme on dit. Pourquoi? Car le prophète a dit dans ce hadith-là, ala wa innama harrama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mithlu ma harrama Allah. Certes, ce qu'a interdit le prophète est comparable à ce qu'a interdit Allah. Et ceci est corroboré par le Coran. Man yuti'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui a obéi à l'envoyé d'Allah, c'est comme s'il avait obéi à Allah. Et Allah nous dit, tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à l'envoyé d'Allah et à ceux qui détiennent l'ordre. Donc la réitération du verbe obéissez signifie que la parole du prophète est une source de législation indépendante. Elle n'a pas besoin d'être mise à la lumière du Coran pour avoir ce caractère de preuve légitime dans la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Si le prophète, alayhi salatu wa salam, nous ordonne une chose ou nous interdit une chose, sa parole, elle a la même valeur que la parole d'Allah, au même titre. Non ? Vous avez compris, les frères ? Non. Or, les gens de l'innovation religieuse, justement, ils font la distinction entre les deux. Ils mettent en avant la parole d'Allah et ils mettent au second degré la parole du prophète, et certains même font abstraction de façon totale de la parole du prophète. Pourquoi ils font ça, à votre avis ? Tout simplement car le Coran, d'une manière générale, reste dans la généralité des choses. Non, ce qui vient expliquer le Coran, c'est la sunna du prophète. Donc, comme on va le voir dans ce cours d'aujourd'hui, c'est que le fait de rester dans la globalité, dans la généralité, va permettre de pouvoir légitimer beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Non ? Voilà pourquoi, voilà le secret derrière le fait qu'ils mettent en opposition la sunna au livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous avions cité la parole d'Imam al-Khattabi et la parole d'Imam al-Barbahari, ainsi que celle de l'imam al-Shatibi concernant ceci. Non. Le cinquième signe distinctif, et on s'était arrêté là, je crois, c'est l'aversion que portent les gens de l'innovation envers les gens de la sunna. Effectivement, mes frères, هذا أمر مشاهد. مشاهد, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut voir de nos yeux, même à notre époque. C'est que les gens de l'innovation, quels qu'ils soient, que ce soit des innovations qui font sortir de la religion, al-bida' al-mukaffira, aw al-mufassiqa, ou d'autres qui sont à un degré moindre, mais qui restent des innovations quand même. Non ? Chaque partisan, chaque innovateur va détester à plus ou moins grande échelle les gens de la sunna. C'est quelque chose qui est connu, qui était déjà connu à l'époque des sahaba. Non ? Lorsqu'ils ont eu à faire face aux premiers innovateurs de cette umma, cette communauté. L'imam al-Sabouni yaqoul, donc Aqidati Ahli Salaf, c'est un auteur qui a vécu parmi les Salaf et qui a écrit aussi un livre où il rassemble tous les fondements des gens de la Sunna. Il rapporte de Abi Hatim al-Razi. Rawa bi sanadihi an Abi Hatim al-Razi. Qala alamatu Ahli al-Bida'i al-Waqi'atu fi Ahli al-Athar. Il dit, en rapportant la parole de Abi Hatim al-Razi, qui a dit, les signes des gens de l'innovation, c'est la médisance sur les gens du Athar, c'est-à-dire les gens du Hadith, les gens de la Sunna. Non ? La médisance, c'est quoi, mes frères ? C'est le fait de parler en l'absence de la personne sur laquelle tu as envie de parler, mais dans un but bien précis, dans un but de le rabaisser aux yeux des gens. De le rabaisser aux yeux des gens. Ce qu'on appelle al-intiqas. Naam, al-riba, an tatakallam fi akhika fi ghaibatihi li ajli l'intiqas. Afin que sa notoriété, sa science, ses mœurs, sa personne soient rabaissées et dénigrées aux yeux des gens. C'est ça la médisance. Naam. Et on sait que la médisance fait partie des grands péchés de l'islam. Donc, l'imam Razi, il dit ça. L'imam Sabouni rapporte aussi. Il dit, وَقُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَلَا يَلْحَقُ أَهْلَ السُّنَّةِ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَأَنَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْبِدَعِ فِي هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي لَقَّبُوا بِهَا أَهْلَ السُّنَّةِ وَلَا يَلْحَقُهُمْ شَيْءٌ مِنْهَا فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَمِنَّا سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مخترقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا قال الله تبارك وتعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الإمام الصابوني دي Tout ceci, le fait d'intenter et de rabaisser les gens de la sunna, que ce soit par la parole, par le cœur d'abord, par la parole, ça peut même en venir jusqu'à l'épée, jusqu'aux mains. Il dit, tout ceci relève du sectarisme. Les gens de la sunna ne se dénomment que par un seul nom, les gens du hadith. C'est comme ça qu'ils étaient connus, les gens du hadith. Ce sont les gens qui s'accrochaient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai certes remarqué, donc c'est lui qui parle, j'ai certes remarqué que les gens de l'innovation, dans les noms par lesquels ils appellent ou ils qualifient les gens de la sunna, ne s'appliquent en rien à eux par la grâce d'Allah et par son bienfait. Ils ont cheminé sur la voie des mouchriquins. Ils ont cheminé, les gens de l'innovation, sur la voie des mouchriquins. Effectivement, les mouchriquins fit zamani nabi à sallallahu alayhi wa sallam, كانوا يرقبون نبينا صلى الله عليه وسلم بألقاب سيئة. Ils le dénommaient par toutes sortes de qualificatifs non acceptables, préjudiciables. Non, ils l'appelaient comment? Sahir, sorcier. Kahin, devin. Sha'ir, poète. Majnoun, fou. Maftounan, touché par la folie, troublé. Muftariyan, muhtariqan, kazzaba, menteur, imposteur. Tous ces qualificatifs-là par lesquels ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était innocent, tout ça. Bien sûr. Non? Il n'était qu'un envoyé, élu, et un prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et regardez ce que dit Allah dans le Coran concernant ceci. Regarde comment ils te considèrent et comment ils t'appellent. Ils se sont égarés et ils ne pourront jamais se guider. Donc vous voyez que le fait de qualifier les gens de la sunna par des qualificatifs qu'ils ne méritent pas et par lesquels ils ne doivent pas être qualifiés ou appelés, ceci fait partie de la voie des mouchriquins, des associateurs qui ont agi dans cette voie-là envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد ذكر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى في معرفة علوم الحديث يقول بعد أن ذكر بعض الآثار السابقة ثم قال وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة ويسميها حشوية. Il dit, l'imam al-Hakim, Abu Abdillah al-Nisaburi, dans Ma'arifati Ulum al-Hadith, c'est un livre qu'il a rédigé, il dit, après avoir cité toutes ces paroles-là, c'est-à-dire que le fait que les gens de l'innovation font de la médisance, ou qualifient et nomment les gens de la sunna par des noms non acceptables, il dit, sur ceci, l'aversion que portent les gens de l'innovation envers les gens de la sunna et la médisance à laquelle ils s'adonnent sur eux, il dit, nous avons appris dans nos voyages, les voyages de science qu'il faisait à travers les contrées, ainsi que dans nos contrées à nous, nous avons appris que toute personne qui est affiliée à une sorte de déviance ou d'innovation ne regardera le groupe secouru qu'avec un œil méprisant et dédaigneux, en les appelant hachouille. Je vais expliquer ce que ça veut dire hachouille. Toute personne sur une voie déviante ou innovatrice ne regardera les gens de la sunna ou les gens du groupe secouru qu'avec un œil méprisant et dédaigneux. Non? En les appelant al-hashwiyya. Hashwiyya, mes frères, c'est un qualificatif ou une dénomination plutôt, car ici ça se rapporte à un nom, qui était attribué ou appliqué ou par laquelle se faisait appeler Al-Hanabila. Al-Hanabila, c'est-à-dire les gens qui étaient sur la voie de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Là, ici, lorsque je dis Al-Hanabila, il ne faut pas comprendre ceux qui suivent l'imam Ahmad ibn Hanbal dans les fondements de la jurisprudence ou dans ses avis religieux concernant la jurisprudence. Mais il faut comprendre ici, par Al-Hanabila, ceux qui suivaient l'imam Ahmad dans la croyance et dans les fondements de la sunna. Non? Car comme on l'avait vu, l'imam Ahmed fut appelé imam ahli sunnati wal jama'a, l'imam des gens de la sunna et de la jama'a, de par la position ferme sur laquelle il était face aux gens de l'innovation, entre autres al-Mu'tazila. Il est resté sur une position ferme et il a défendu la voix des gens de la sunna. Et Allah, par son bien, a secouru la sunna et a préservé la sunna. Alors, les gens, les grands savants qui se sont succédés, que ce soit à l'époque de l'imam Ahmed ou les générations d'après, al-Hanabila, comme l'imam al-Barbahari, al-Qadi Abu Ya'la, l'imam Ibn Battat al-Akbari et d'autres, al-Marwazi, ces grands savants-là, ils étaient connus pour leur attachement scrupuleux à la sunna. Et d'une manière générale, en comparaison aux autres écoles, les gens de l'école de l'imam Ahmed, ils étaient connus pour leur attachement à la sunna. De telle sorte que al-Hanabila, on les appelait al-Hashwiya. Hashwiya, ça veut dire quoi? Ils disaient que les Mu'tazila, les gens d'innovation, appelaient les Hanabila al-Hashwiya, ils emmagasinaient, ils rentraient dans leur tête tous les hadiths du prophète, en faisant abstraction de la raison. Alors que eux, ils utilisaient leur raison et ils prenaient du kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce qui venait conforter leur raison comme on l'a déjà vu. Donc ils faisaient du filtrage. Alors que les gens de la sunna, comme ils disent, ils faisaient du bourrage. Ils faisaient du bourrage. Ils rentraient dans leur tête tous les hadiths du prophète. Alhamdulillah. Comme a dit Cheikh Fawzan, si al-Hashwiya, c'est le fait de suivre le livre d'Allah, la sunna du prophète et de s'attacher à la voix des compagnons, alors on est tous Hashwiya. Alhamdulillah. Inna al-asma'a la tughayyiru al-haqa'iq. Les dénominations, elles ne changent jamais la réalité des choses. Non. Les dénominations, elles ne changent jamais la réalité des choses. Appelez-nous Hashwiya. Appelez-nous Wahhabite. N'importe quelle dénomination. Ce qu'on regarde avant tout, c'est la réalité de la voie de laquelle tu suis, la réalité de ce sur quoi tu es. C'est ça qu'on regarde. Non. Peu importe le nom que par lequel on te qualifie ou on te nomme. Donc, le fait que les gens d'innovation appelaient les gens de la sunna al-Hashwiya, ceci n'est pas préjudiciable pour nous. Non. Ceci n'est pas préjudiciable pour nous, ou plutôt, ceci n'est pas préjudiciable pour les gens qui se faisaient appeler ainsi parmi les gens de la sunna, car en fait, alhamdoulilah, ils étaient toujours sur la voie du prophète et des compagnons du prophète. Donc c'est ce que dit ici l'imam al-Hakim. Il dit, il les appelait Hashwiya. يقول شيخ الإسلام معلقا على هذه الآثار يقول وما أشبه الليلة بالبارحة فأهل الأهواء والحزبية والفرقة شابهوا إخوانهم من المبتدعة المتقدمين في الطعن في علماء أهل السنة من أصحاب منهج النبوة وقد أشبه مبتدعة زماننا مبتدعة الأزمان المتقدمة حذو النعل بالنعل والله المستعان. Ce qui signifie les jours et les nuits se ressemblent. Non, les jours et les nuits se ressemblent. C'est-à-dire que c'est comme on dit aussi une expression en arabe qui dit التاريخ يعيد نفسه. L'histoire se répète. Non, ce qui s'est passé à l'époque des salaf, c'est exactement la même chose à notre époque. Comment les gens d'innovation se comportent envers les gens de la sunna? Donc c'est pour ça que Cheikh Hassan dit les jours et les nuits, elles se ressemblent. Non, les gens de la passion, du partisanisme, de la division s'assimilent en tout point à leurs frères parmi les innovateurs des premières générations. Dans quoi? Dans la diffamation et les propos calomnieux envers les savants des gens de la sunna et de la voie prophétique. Non, les innovateurs en ceci de notre époque ressemble aux innovateurs des siècles précédents. Et Allah est celui de qui on cherche l'aide et le soutien. Non, mes frères. Donc, c'est des choses que vous pouvez aussi voir de nos jours. Vous voyez de nos jours, les savants de la sunna, non, du minhaj salafi, ils les appellent talafi, qui veut dire, talaf, ça veut dire, talafa, ça veut dire détruire quelque chose. Non, ils disent, ah, houlad talafiyoun, les destructeurs de la religion. Non. Peu importe, alhamdulillah, les savants de la sunna, qu'il soit appelé Talafiyoun. Ou j'ai même entendu en France d'autres termes que je ne répéterai pas ici, qui sont tous aussi injurieux les uns que les autres envers les savants de la Sunna. Ça ne change rien à la réalité des choses. Alhamdulillah. Ces gens-là, les gens de la Sunna, les savants de la Sunna, continueront par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et par son raffermissement à appeler à la voie droite. Alhamdulillah. Donc, mes frères, l'aversion que portent les gens de l'innovation envers les gens de la Sunna, et cette aversion qu'ils portent envers les gens de la Sunna, elle se caractérise par la médisance, le dénigrement. Ça peut même aussi en venir aux mains, aux armes, non ? Comme ce fut le cas à l'époque de l'imam Ahmed, où les savants de la Sunna étaient tués carrément. L'imam al-Bawati, rahimahullah wa tabaraka wa ta'ala, a été tué. Non ? Parce qu'il refusait de dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Non ? Il refusait de dire ceci. L'imam Ahmed ibn Nasr al-Khuza'i, kazalik, kotila. Wa kuti'a ra'suh. Sa tête a été coupée. Et elle a été mise sur un pieu à l'est de la ville de Bagdad, avec une pancarte juste en dessous de cette tête en disant « Voilà la punition et le châtiment de tous ceux qui viendraient à suivre la même voie que cet homme. » Et à l'ouest de la ville de Bagdad, ils ont pris sa tête, ils l'ont mis sur un autre pieu. Afin que ça serve d'exemple et d'exhortation aux gens. Donc les gens de la Sunna ont été tués, torturés. L'imam Ahmed, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, on le mettait par terre et les gens venaient s'essuyer les pieds sur lui. En le prenant comme une serpillière, si on peut dire comme ça. Ne croyez pas que nous vivons dans un monde où tout est rose. Il y a toujours cette confrontation entre le vrai et le faux, entre la sunna et la bid'a. Sixième caractéristique que le cheikh a citée. وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعَ تَرْكُ انْتِحَالِ مَذْهَبِ السَّلَفِ وَتَكْفِيرُ مُخَالِفِيهِمْ بِغَيْرِ دَلِيلِ. Ce qui signifie le délaissement de la voie des salafs et l'excommunication de tout contradicteur à leur voie. Là. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى فالمقصود أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. Je vais déjà vous traduire ceci. Cheikh d'Islam dit dans Majmou' al-Fatawa, écoutez bien, le sens voulu, c'est que les personnes connues de ces groupes déviants entre les sunnites au sens large du terme. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le mot sunnite au sens large du terme. Pour leurs innovations, connues pour leurs innovations, ne suivent pas la voie des salafs, mais bien au contraire. Les gens les plus connus pour leurs innovations sont les rawafir, les chiites. De telle sorte que le commun des musulmans ne connaît que le chiisme, le rafd, comme innovation ou slogan innovateur. Et le sunnite, dans leur compréhension, c'est-à-dire dans la compréhension des gens, des musulmans en général, est celui qui n'est pas chiite. Effectivement, ici, Cheikh l'Islam met le doigt sur quelque chose de très important. C'est quelque chose qui existe aussi à notre époque, c'est que le terme de sunni, sunni, il a deux sens. Il a un sens qui a une portée générale. Et il a un sens qui a une portée restrictive ou restreinte. As-sunni bima'nahu al-'am. Dans son sens général, c'est tout ce qui n'est pas chiite. C'est ce qui vient s'opposer au chiisme. Effectivement, vous entendez la nation de l'islam ou les musulmans se divisent en deux grands groupes, les chiites et les sunnites. Non ? Vous entendez par exemple dans les masses médias qu'il faut la distinction comme ça. Sunnite, chiite. Hein? De telle sorte que, pour beaucoup de gens, parmi le commun des musulmans, la seule innovation qu'ils ont en tête, c'est le chiisme. Et tout ce qui n'est pas chiite est sunnite. Autrement dit, sur la voie droite. Vous avez compris? Non. Bien sûr, si on s'en tient à cette terminologie, on va faire entrer dans la voie droite des gens et des groupes qui ne font pas partie de la voie droite. Car beaucoup de voix déviantes ne se réclament pas du chiisme, mais sont sur des voies contraires à la voie de la sunna. C'est pour ceci que cette terminologie, pour nous, elle est trop approximative. Donc le deuxième sens de sunna ou de sunnite, c'est celui-là qui nous intéresse, et c'est le suivant. Un sunni, c'est toute personne qui suit la voie du prophète et des compagnons, aussi simplement que ceci, non ? Ou qui est sur la voie prophétique. Non ? Là, en disant ceci, on a fait sortir toutes les voies déviantes, contraires à la voie du prophète, mais qui ne font pas partie du chiisme, non ? Ou des chiites. Cheikh l'Islam continue en disant فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية continue dans ses propos et il dit il est connu que le slogan ou le mot d'ordre des gens de l'innovation et le délaissement de la voie des salafs. Non. Pour cette raison, l'imam Ahmed a dit les fondements de la sunna. Cette phrase-là, prenez-la par cœur. Non. Les fondements de la sunna chez nous, c'est-à-dire chez les gens de la sunna, résident dans l'attachement scrupuleux à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. C'est une parole que vous devez connaître par cœur. Parole de l'imam Ahmed. Non. Donc vous voyez bien que les gens de la sunna se réfèrent toujours à la voie des salafs, contrairement aux gens de l'innovation. Il n'est pas connu chez eux qu'ils se réfèrent au salaf al-salih et à la voie des compagnons. Non. ثم يقول والخوارج, car on avait dit, mes frères, que ici, les gens d'innovation, non seulement ils ne s'affilient pas à la voie des salafs, mais en plus de ça, ils excommunient ou ils portent l'anathème, ou ils font sortir de la religion tous ceux qui viendraient les contredire ou s'opposer à eux. Non, c'est ce que dit ici Cheikh d'Islam. Il dit والخوارج تكفر أهل الجماعة وكذلك أكثر المعتزلة. Et une erreur d'impression ici. وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ يُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ وَكَذَلِكَ أَكْثَرُ الرَّافِضَةِ وَمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ فَسَّقْ. Ce qui signifie les khawarij excommunient les gens du groupe, les gens de la sunna. De même que la plupart des mu'tazila, ils excommunient toute personne s'opposant à eux. Il en est de même de la plupart des chiites, les rawafid. Il faut sortir de l'islam tous ceux qui ne sont pas comme eux. Ça, c'est des choses qui sont connues, mes frères. Quant à ceux parmi eux, parmi ces gens d'innovation, qui n'excommunient pas, ils les accusent, les gens de la sunna, de désobéissance ou de libertinage. Fassaq, non ? ثم يقول وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. C'est des choses qu'on a déjà expliquées, mes frères. Il dit, cher l'islam, il en est de même des gens de la passion. Ils inventent un avis, une voie, une conception, une philosophie, une idéologie, hein, et ils excommunient tous ceux qui viendraient s'y opposer. وَأَهْلُ السُنَّةِ يَتَّبِعُونَ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا يُكَفِّرُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فِيهِ بَلْ هُمْ وَهَذَا يُحْفَظْ كَذَلِكَ بَلْهُمْ أَعْلَمُ بِالْحَقِّ وَأَرْحَمُ بِالْخَلْقِ. Il dit, cher l'Islam, quant aux gens de la sunna, ils suivent la vérité venant de leur Seigneur, celle par laquelle est venu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'excommunient pas toute personne qui viendrait s'y opposer. Mais ce sont les plus savants concernant la vérité et les plus miséricordieux envers les créatures. Non. هُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَأَرْحَمُهُمْ بِالْخَلْقِ. C'est quelque chose qui est connu, mes frères. Non. C'est pour ceci que les gens de la sunna avant de porter l'anathème sur les gens de l'innovation, ils prennent toutes sortes de précautions. Non. Il y a ce qu'on appelle, donc c'est le takfir, dans le fait d'excommunier une personne, il y a ce qu'on appelle les conditions de l'application de la sentence et les empêchements de l'application de la sentence. Non. Avant d'excommunier une personne, il faut savoir si cette personne est consciente de ce qu'elle dit, si elle n'a pas basé sa parole ou son acte annulatoire de l'islam, si elle ne l'a pas basé sur une mauvaise interprétation de la religion, et il faut prendre en considération si elle n'a pas été contrainte à faire cette chose-là, etc., etc. Toutes sortes de conditions et d'empêchements qui font en sorte que l'anathème n'est pas quelque chose qui peut être prononcé à la légère. Contrairement aux gens d'innovation, ils ne respectent pas les conditions du takfir. Shurut al-takfir wa mawani' al-takfir. Ils yukaffiruna kulla man yukhalifuhum fi bid'atihim. Ils viennent excommunier tous ceux qui viendraient contredire ou s'opposer ou mettre en garde plutôt contre leur voie déviante. Et enfin, Cheikh Islam il dit wa ahlu bid'ati la yashtabihuna ala ahli al-haqq. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. Ce qui signifie, quant au fait que l'appartenance ou l'affiliation à la voie des salaf soit le mot d'ordre ou la devise des gens de l'innovation, ceci est faux. Non. Et ceci ne peut être possible, sauf si l'ignorance se multiplie parmi les gens et la science diminue. C'est comme, à notre époque, on a voulu nous faire croire que Al-Asha'ira, qui est un groupe déviant, notamment dans la croyance sur les noms et les attributs d'Allah, ou Al-Maturidiya, sont proches des Asha'ira. On dira plutôt Al-Asha'ira Tul-Kullabiya. Certaines personnes voulaient nous faire croire que Al-Asha'ira ou Al-Maturidiya font partie des gens de la Sunna. Et certaines personnes y croyaient, en disant, tout ça, ça fait partie des gens de la Sunna. Alors que les savants de la Sunna ont réfuté sur ceci dès lors que ces ambiguïtés apparaissaient au grand jour. Donc, s'il n'y avait pas la science, s'il n'y avait pas les savants pour réfuter ce genre d'ambiguïté, les gens, le commun des musulmans, seraient amenés à y croire, non, en disant que Al-Asha'ira ou Al-Maturidiya font partie des gens de la Sunna. Ou alors, Al-Tabligh ou Ikhwan al-Muslimin font partie des gens de la Sunna. D'accord? Et ceux qui nous ont mis en garde contre ce genre d'ambiguïté, ce sont les savants. D'accord? Donc, s'il n'y a pas la science et les savants pour lever ce genre d'ambiguïté, les gens y croiraient. Donc c'est ce que dit ici Cheikh l'Islam. Il dit, quant au fait que l'appartenance ou l'affiliation à la voie des salafs soit le mot d'ordre, c'est-à-dire que les gens de l'innovation disent notre mot d'ordre, notre devise, c'est le livre d'Allah, la sunna du prophète, selon la voie des salafs, ou selon la voie des compagnons. Cheikh l'Islam, il dit, ceci est faux et c'est impossible. Sauf s'il n'y a pas de savant pour enlever cette ambiguïté auprès des gens. Non. Si les musulmans vivent dans une région ou à une époque où règne l'ignorance totale, alors ces innovateurs diront oui, nous affilions au salaf. Car il n'y aura personne pour réfuter leurs propos. Non. Mais là où la science est présente, ils ne peuvent jamais dire ça. Pourquoi? Car les savants de la sunna les mettront au pied du mur et les mettront devant la réalité des choses. Vous dites que vous vous affiliez au salaf, vous prétendez que votre voie sur laquelle vous êtes remonte à la voie des salaf, la voie des compagnons du prophète, ramenez vos preuves si vous êtes véridique. Non. Donc, Cheikh Al-Islam, il dit ceci est impossible. Non. Et effectivement, lorsque vous voyez, vous retracez un petit peu l'histoire de l'islam et des groupes déviants qui se sont succédés à travers les générations, jamais ils ne se référaient aux gens à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète. Non. Donc il se rapporte toujours à celui qui a fondé l'école. Al-Mu'tazila, il ne disait jamais qu'ils étaient sur la voie des compagnons du prophète. Jamais. Non. Al-Mutakallimoun, Al-Falasifa, Al-Khawarij, tous ces sectes déviantes-là ne disaient jamais qu'ils étaient sur la voie des salafs. Vous avez compris ce point important, Inch'Allah. Septième caractéristique. وَمِنْ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنَّهُمْ يُجْمِلُونَ فِي مَوَاضِعَ تَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَبَيَانٍ وَيَقِيسُونَ عَلَى مَا لَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَلِذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ ضَلَالِ بَنِي آدَمَ الْإِجْمَالِ. Je vais vous demander toute votre attention concernant ce point-là. C'est un des points les plus importants. Et lorsqu'il est bien compris, Inch'Allah, il permet de lever beaucoup d'ambiguïté. Et ce point-là, Mu'allif dit, il généralise leurs propos dans des sujets qui requièrent l'explication et le détail. C'est-à-dire qu'ils utilisent des propos approximatifs et des sens équivoques dans des sujets qui requièrent l'utilisation de propos détaillés, significatifs et des sens non ambigus et clairs par eux-mêmes. Non ? Et ils font des analogies là où l'analogie n'est pas valide et applicable. C'est pour cette raison que parmi une des plus grandes causes de l'égarement des fils d'Adam, c'est l'inexactitude et l'approximation dans les termes employés. Al-ijmal fi al-alfaz. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى اللفظ المجمل الآن يعرف اللفظ المجمل يقول هو الذي يفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل. Définition claire et nette. Cheikh l'Islam il dit le propos approximatif est celui duquel l'on peut comprendre plusieurs sens, certains vrais et certains faux. Yaqul Cheikh Al-Fawzan, ceci n'est pas dans le livre, c'est une parole que je vous ai ramenée, min kitab at-ta'liq al-mukhtasar ala al-qasidati al-nuniyati al-musamma al-kafiyati al-shafiya lil-intisari al-firqati al-najiyah. Donc, vous savez que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah a rédigé un poème, plusieurs centaines de vers, sur la croyance des gens de la Sunna, et par là même sur la réfutation des gens de l'innovation. En explication sur certains de ces vers, Charles Fozen dit « Il est nécessaire de détailler. Celui qui ne peut détailler doit se taire. » Non, « alayhi sukut » car aucun bienfait ne sortira de ses propos. Toutes les erreurs ont pour cause la non-distinction entre le vrai et le faux. Il est donc nécessaire de détailler, de distinguer, et de ne pas mélanger entre le vrai et le faux. Il pourrait avoir dans les propos de ton contradicteur certaines vérités et certaines erreurs. Ne rejette donc pas sa parole en bloc, et ne l'accepte pas non plus en bloc, mais distingue et met en évidence la vérité et le juste du faux et de l'erreur. Et si tu ne peux le faire, alors ne rentre pas dans ce domaine. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا تَدْخُلْ فِي هَذَا الْمَيْدَانِ. C'est clair. يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمْ justement فِي الْكَافِيَةِ الشَّافِيَةِ يقول فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبت الأذهان والآراء كل زمان. Ce qui signifie, il est de ton devoir. Donc c'est le verset 143 et 144 pour ceux qui veulent y revenir de l'Kafiyat al-Shafi'a. Il dit, il est de ton devoir de détailler et distinguer, car la généralisation et l'approximation dans les termes employés ou dans les sens utilisés, sans éclaircissement, ont certes corrompu ce monde et ont affolé les intelligences et les conceptions à travers les époques. Ibn al-Qayyim dit, donc ça suffit Sawa'iq al-Mursala dans un autre de ses livres, il explique un petit peu ceci, il dit إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة محتملة تحتمل معاني متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل فبما فيها من الحق يقبل من لم يحد بها علما ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء. Ce qui signifie tous ces contradicteurs au livre et à la sunna par leur intelligibilité. L'intelligibilité, c'est quoi? C'est le caractère de tout ce qui est intelligible, qui peut être compris par la raison. Donc ça, c'est une conception propre au à ceux qui font devancer la raison sur les textes religieux, là où la raison n'a pas sa place. Je répète, tous ces contradicteurs au livre et à la sunna, par leur intelligibilité, ce qu'on appelle l'akliyat, et entre parenthèses, Ibn al-Qayyim dit qu'ils sont en réalité des ignorances. En vérité, ce ne sont pas des akliyat, ce ne sont pas des choses relevant de la raison, mais ce sont des choses plutôt relevant de l'ignorance. Il dit, font de leur voix sur des propos équivoques et approximatifs, renfermant plusieurs sens. Ce qu'ils contiennent comme sens équivoque et approximation dans les termes implique nécessairement de prendre le vrai et le faux qu'ils contiennent. À cause de cette approximation et de cette ambiguïté, tu es obligé d'accepter, parce qu'il y a du vrai dedans, tu es obligé d'accepter aussi le faux qu'il contient. Et regardez bien, et à cause de la vérité qu'il contient, il est amené à accepter pour celui qui ne cerne pas le faux du vrai. C'est-à-dire pour l'ignorant en fait. Il est amené à accepter ce qu'il contient de faux. C'est comme si c'était un poison caché ou un cadeau empoisonné qu'on te fait. On te montre la vérité, on va ramener certaines vérités, mais derrière ça cache le faux. Mais toi, avec ton manque de science, ton manque de discernement, tu ne pourras pas faire la part des choses entre le vrai et le faux. C'est vraiment pernicieux, c'est vraiment vicieux. Donc Ibn al-Qayyim dit, et ceci à cause de l'ambiguïté et de la confusion que contient ces propos, puis il s'oppose, écoutez bien, avec ce qu'il y a de faux au texte des prophètes. Donc, quel est le but recherché par ce genre, le but recherché par ces personnes lorsqu'ils emploient des termes approximatifs ou des sens équivoques? C'est justement, sous l'habit de la vérité, ramener, en fait, le faux. Il dit, ceci est la source de l'égarement de ceux qui se sont égarés parmi les nations avant nous. C'est la source de toute innovation. Si l'innovation était purement fausse, elle ne saurait être acceptée. Donc là, on parle logiquement. Si l'innovation religieuse ne contenait que du faux, alors elle serait claire aux yeux des gens. Les gens la rejeteraient. Non. Jumlatan wa tafsila. En globalité dans ses détails. Non. Et si au contraire, l'innovation ne contenait que du vrai, alors par définition, elle ne serait pas une innovation. Non, ce serait une sunna, ou quelque chose qui serait en conformité avec les livres d'Allah. Mais le fait que beaucoup de gens ont été trompés par ces innovations religieuses, c'est justement qu'elles contiennent du vrai et du faux, qui se mélangent. C'est ce que dit ici Ibn al-Qayyim. Il dit, وَهَذَا مَنْشَأُ ضَلَالِ مَنْ ضَلَّ مِنَ الْأُمَامِ قَبْلَنَا وَهُوَ مَنْشَأُ الْبِدَعِ كُلِّهَا فَإِنَّ الْبِدَعَةَ لَوْ كَانَتْ بَاطِلًا مَحْضًا La main coubilate. Si cette innovation était ou ne renfermait que du faux, elle ne saurait être acceptée auprès des gens. D'accord ? وَلَا بَادَرَ كُلُّ أَحَدٍ إِلَى رَدِّهَا وَإِنْكَارِهَا Et chaque personne s'empresserait à la réfuter et à la repousser. ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة. Et si c'était, si elle ne contenait cette innovation que du vrai, alors elle ne serait pas appelée bid'a et elle serait en conformité avec la sunna. وَلَكِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى حَقٍ وَبَاطِلٍ. Le problème, il est là, mes frères. C'est qu'elle contient justement du vrai et du faux. وَيَلْتَبِسُ فِيهَا الْحَقُّ بِالْبَاطِلٍ. Et le vrai se mélange au faux. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الخطاب هنا لبني إسرائيل موجه لبني إسرائيل. الله dit تبارك وتعالى ne mêlez pas le faux à la vérité et ne cachez pas sciemment la vérité. Allah a interdit quoi? De mélanger le vrai avec le faux et de cacher le vrai. C'est exactement ce que font les gens d'innovation. Non? Le mélanger signifie quoi? Signifie le mêler jusqu'à ce que l'on ne peut le différencier. C'est-à-dire différencier le vrai du faux. Et c'est ce qu'on appelle du talbis. C'est-à-dire cacher et tromper en même temps. Ça le talbis. Tu caches et tu trompes les gens en même temps. La réalité de ce propos est en contradiction avec son apparence. Thumma yaqul, il en est de même concernant la vérité. Lorsqu'elle est mélangée au faux, son auteur met en valeur le faux sous l'apparence du vrai. Non. Il emploie des termes comprenant deux sens. Un sens bon et authentique et un autre faux et invalide. L'auteur s'imagine, l'auditeur afouane, s'imagine que son interlocuteur cherche le vrai alors qu'il cherche le faux. Ceci constitue l'approximation, el-ijmal. Non. L'approximation dans les termes employés, el-ijmal ou fil-lafzi. Donc mes frères, lorsqu'on parle de religion, il faut être précis, notamment dans la croyance. On ne peut pas se permettre d'être vague, approximatif, car sinon l'auditeur pourrait comprendre des choses qui ne sont pas correctes. كَذَلِكَ يَقُولُ فَأَصْلُ ضَلَالِ بَنِي آدَمَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ وَالْمَعَانِ الْمُشْتَبِهَةِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَادَفَتْ أَذْهَانًا مُخَبَّطَةً. فكيف اذا ضاف الى ذلك هوى وتعصب. نعم. Ça c'est la parole de Cheikh Raslan qui dit: l'origine de l'égarement des fils d'Adam réside dans l'utilisation des propos vagues et approximatifs et des sens équivoques et ambigus. Surtout s'ils viennent rencontrer des esprits bouleversés, نعم, dans l'errance, perdus. Que dire alors si ces paroles approximatives ou ces textes ou ces sens ambigus venaient se joindre ou venaient rencontrer des personnes et se joindre à ces personnes-là, les passions et le fanatisme ou le sectarisme. Donc vous voyez que chez certaines personnes, vous rencontrez toutes ces choses préjudiciables. Le sectarisme, les passions, mais en plus de ça, le shubuhat. Des ambiguïtés religieuses, découlant justement des versets à équivoque et des propos approximatifs et vagues. Imaginez-vous ce cocktail explosif. Non, ça existe. فقال الشيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على ديني وأن لا يوقعك في هذه الظلمات. Il dit, demande à celui qui raffermit les cœurs, qu'il raffermisse ton cœur sur sa religion et qu'il te préserve de ces ténèbres. Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana fil haqqi ila an nalqahu innahu al-waliyu bithalika wal-qadiru alayhi. Yaqulu Cheikh l'Islam rahmatullahi tabaraka wa ta'ali wal-bida'u allati yu'alidu biha al-kitabu wal-sunnatu allati yusammiha ahluha kalamiyyat wa'aqliyyat وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Cheikh Al-Islam dit, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, les innovations que le livre et la sunna contredisent, celles-là même qui sont appelées par leurs partisans, aqliyat, c'est-à-dire choses par les, relevant de la raison, qui sont en réalité des choses relevant de leur ignorance, comme dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, aw falsafiyat, des principes philosophiques, aw kalamiyat, aw wajdiyat, c'est-à-dire des choses relevant de l'extase, des passions, du ressenti, du sentiment, comme on l'avait déjà vu. Il dit, toutes ces choses-là renferment nécessairement le mélange du vrai par le faux et la dissimulation du vrai. Le mélange du vrai par le faux et kitman al-haqqi, c'est-à-dire la dissimulation du vrai. Ceci est en fait ce qui est connu de toute personne méditant dessus. Tu ne trouveras jamais un innovateur sans qu'il n'aime cacher des textes religieux contredisant et s'opposant à sa voix. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Ceci, c'est quelque chose de logique. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui est en contradiction avec certains principes religieux, mettre en avant, justement, les versets coraniques et les hadiths du prophète qui viendraient contredire sa voix. Donc, il va être amené à les cacher. Vous verrez jamais Jamarat al-Tablir, par exemple, mettre en avant les différentes formes de shirk. Shirk al-Kubur. L'istishfar, le fait de demander l'intercession auprès des morts, c'est ce que eux ils font. Je ne parle pas des jeunes qui sont en France et qui ne connaissent rien de ce qui se trame dans la hiérarchie, dans la haute hiérarchie de Jamarat al-Tablir. Ils ne connaissent rien, eux. Je parle des têtes du Tablir. Qui, eux, bien sûr, sont sur des voies soufis, connues. Alors, ils ne mettront jamais en avant ces textes religieux qui viendront mettre en évidence tous ces actes de polythéisme majeur. Pourquoi ? Car eux-mêmes, ils le font. Eux-mêmes, ils s'adonnent à ce genre d'actes-là. Donc, ça serait incohérent de leur part de mettre en valeur ou d'expliquer ces versets coraniques ou ces ahadiths du prophète qui traitent de ceci, car ça viendrait aller mettre en face de leur réalité et à les dénoncer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont être amenés à faire ? À cacher ces textes. Et ça, c'est le propre de tous les gens de l'innovation. Vous ne trouverez jamais des gens, des musulmans, qui lèvent l'étendard à notre époque de la laïcité et mettre en avant, en valeur, les textes où Allah nous demande de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète pour juger entre nos différents. Etc. etc. Donc c'est ce que dit ici Cheikh l'Islam. Il dit, tu ne trouveras jamais un innovateur sans qu'il n'aime cacher les textes religieux contredisant et s'opposant à sa voix. Les détestant, et détestant les mettre en valeur, ou détestant ces différentes narrations, c'est-à-dire tous les hadiths et les narrations du hadith qui se rapportent à ces choses-là. Et aussi, ils détestent rapporter ces narrations. Et ils détestent ceux qui s'adonnent à ce travail, c'est-à-dire ils détestent les gens, les savants du hadith. Ça c'est connu aussi. Car, par la grâce d'Allah mes frères, puis par la grâce et par le travail des gens de la sunna, je parle des grands savants de la sunna parmi les pieux prédécesseurs, s'ils n'avaient pas fait ce travail de purification de la sunna, l'islam ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Dès les premiers temps, les gens ont inventé des hadiths, ont menti sur le prophète, en lui attribuant des propos qu'il n'a pas dit, afin d'altérer, de déformer, de dénaturer sa religion. Donc il a fallu un travail gigantesque des gens de la sunna, des savants de la sunna, qui ont compris dès les premiers temps, dès les signes, dès les prémices de ces choses-là, qui ont compris la dangerosité de ces gens-là et de ce qu'ils font. Et par là même, ils ont compris l'importance du travail qui devait être fourni quant à la purification et à la préservation de la sunna. Donc, alhamdulillah, comme je l'avais déjà dit dans des cours précédents, nous, les gens de la sunna, on se caractérise par une religion qui remonte ou qui retrace les faits et gestes du prophète par des chaînes de narration ininterrompues, alhamdulillah. Donc les gens de l'innovation détestent les gens de les savants de la sunna et les savants du hadith. Non, ils détestent l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, l'imam Sofiane al-Thawri, l'imam Abu Hatim al-Razi, l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Non, ils les détestent. Pourquoi? Car ces savants-là, lorsqu'ils font ce travail de purification, ils mettent en valeur la sunna du prophète. Non, en faisant remonter ses faits et gestes avec des chaînes de narration authentiques. Non. Ils font, par ce travail-là, ils dévoilent les rangs, l'égarement des gens de l'innovation. Comme disent certains salafs, l'imam Cheikh Islam dit, comme disent certains salafs, il n'y a pas une personne s'adonnant à une innovation sans que l'amour du hadith lui soit arraché du cœur. Vous vous rappelez que cette parole, c'est la parole de l'imam Ahmed ibn Sinan ibn Qattan. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala, qui avait dit lan tajida man ibtada'a fi dinillahi tabaraka wa ta'ala wa yubghidu ahl al-athar illa nuzi'at min qalbihi halawat al-hadith. Na'am, hakaza bil ma'na, aw ma ibtada'a ahad bid'atan illa nuzi'at halawat al-hadith min qalbihi. Vous avez compris ça? Ibn Abil'iz al-Hanafi, celui qui a fait l'explication de Tahawiyya, a dit, s'il parle de n'importe quelle personne, s'il parle de la vérité en employant des termes approximatifs, comprenant plusieurs sens, il n'aura en aucun cas transmis le message. Là, celui qui veut faire da'wah, celui qui veut appeler les gens à l'islam, non, et consacrer sa vie à la prédication, il se doit justement de détailler toute chose, d'être le plus précis possible, afin, comme je vous l'ai dit, de ne pas faire comprendre ce qui n'est pas voulu. Cheikh Hassan dit, Hafidhallahu tabaraka wa ta'ala, فمجانبة طريق أهل البدعة يكون بالاستفسار والبيان كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإذا وقع الاستفسار والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار. الشيخ الإسلام dit, l'éloignement de la voie des gens de l'innovation réside dans l'explication détaillée et l'éclaircissement des choses. Comme le dit Cheikh l'Islam, dès lors que la recherche du détail et de l'explication survient, les secrets se dévoilent et la nuit se distingue du jour. Puis Cheikh Hassan dit, وَإِذَا أَتَاكَ مُبْتَدِعٌ يُرِيدُ أَنْ يُجَادِلَكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَغْفُلَ عَنْ هَذَا الْأَسَاسِ قَبْلَ النِّقَاشِ وَالْمُنَاظَرَ فَلْتَكُنْ لَهُ لا نأخذ بالمجمل بل لا بد من البيان فإن قبل هذا الأصل مع أصول تأتي في أصول مناظرة أهل البدع فحينئذ يمكن أن تمضي في المناظرة لإعلاء كلمات الله. Il dit, si un innovateur voudrait polémiquer avec toi, prends garde de négliger ce fondement avant toute polémique et discussion. Quel fondement? Al-istifsar, al-bayan, l'istifsar ou l'istifsal, ou le bayan ou le tafsir. Yaqul, et dis-lui, nous ne considérons pas l'utilisation de termes approximatifs. Avant de faire n'importe quelle polémique ou niqash, il faut mettre le point dessus. Pourquoi? Parce que justement, les gens de l'innovation, ils emploient ce genre de termes approximatifs. Donc, discuter avec une personne qui emploie des termes approximatifs, le débat ne va jamais se finir. Donc il faut mettre en place ce principe. Dès avant de commencer et avant de perdre son temps, on met en place ce principe et on dit, nous ne considérons pas l'utilisation de termes approximatifs, mais nous détaillons toute chose. S'il accepte ce principe, en tenant compte, écoutez bien, parce que ce n'est pas le seul, la seule chose qu'il doit accepter. S'il accepte ce principe en tenant compte des autres principes régissant le débat avec les gens d'innovation, alors débat avec lui dans le souci d'élever la parole d'Allah au-dessus des autres. Vous avez compris ? يقول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجملة والقياس. Donc l'imam Ahmed dit, il convient à toute personne s'exprimant dans la jurisprudence de s'écarter de ces deux choses, l'approximation et l'analogie. يقول الشيخ رسلان معلقا على هذا الكلام وما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون أولى وأحرى. Cheikh Hassan dit, ce qu'a cité l'imam Ahmed concernant la mise en garde de ces deux choses dans la jurisprudence est une preuve que dans le domaine de la aqida, de la croyance, du credo, du dogme, la mise en garde est encore plus vraie et plus à même d'être considérée. C'est encore plus vrai dans la aqida, non ? Plus que dans le fiqh. Éviter quoi ? L'approximation dans les termes et éviter d'utiliser des textes avec des sens ambigus et équivoques, non ? Dans le sens. Et enfin, Cheikh Hassan dit, فَتَجْتَنِبُوا التأويل والقياس وتجتنب المجمل. Écarte-toi de la mauvaise interprétation, de l'analogie et de l'approximation quant aux termes employés. Vous avez compris ce point important, Inch'Allah. Huitième caractéristique par laquelle se caractérisent les gens de l'innovation, c'est le suivi des doutes. Al-Von. Yaqul. Wa ahlul bida'i. يتخبطون ويتبعون الظن ويتعلقون بالتحرصات التي لا تبنى على قاعدة أو تستند إلى دليل وإنما هي ضروب من التخيلات وشكول من التوهمات. Qui signifie? Les gens de l'innovation يتخبطون, c'est-à-dire ils patauchent, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Non? Et suivent leurs doutes, s'attachent aux mensonges qui ne sont basés ni sur une règle établie chez les gens de la Sunna, ou relevant d'une preuve. Ce ne sont que des amas de leur imagination ou des variantes de leurs insinuations. At-tahayyurat wa at-tawahhumat. وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الظَّنَّ وَبَيَّنَ ضَلَالَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Allah a certes blâmé ceux qui suivent les conjectures et a éclairci leur égarement. Allah dit, si tu obéis à la majorité des gens de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre la supposition et fabriquer des mensonges. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Et la plupart d'entre eux ne suivent que des suppositions, mais les suppositions ne servent à rien face à la vérité, et Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Donc, ceci aussi est une caractéristique propre aux gens de l'innovation. C'est que s'ils suivaient des textes clairs du Coran et de la Sunna, ils ne seraient pas arrivés là où ils sont arrivés dans leur égarement. Non. Mais ils seraient sur une voie droite. يقول المؤلف ومن علامات أهل البدع et là il cite d'autres signes parmi les gens de l'innovation sans les expliquer mais qui sont aussi probants et répandus. Il dit المجادلة بالباطل c'est la polémique dans le faux والمعاندة والاستكبار l'entêtement et l'orgueil ou faire preuve d'arrogance. وجحد الحق بعد ظهور علاماته et contester la vérité après l'apparition de ces signes. والتشهير بأهل الحق والدعاة إليه c'est le dénigrement envers les gens de la vérité et ceux qui appellent à elle, c'est-à-dire les prédicateurs. نعم. يقول المؤلف ختاما على هذا الباب وهذه من أبرز علاماتهم فإن أهل الأهواء يطعنون في علماء أهل السنة ويمجدون المبتدعة. Il dit, حفظه الله تبارك وتعالى, tout ceci constitue les signes les plus probants, les plus clairs. Les gens de la passion s'attaquent aux savants de la sunna et exalte à l'opposé et loue les innovateurs. Naam. Donc mes frères, nous avons vu ici combien de alamat 12. La première c'est at-tafarruq, la division. Naam. Nous avions ramené les preuves de ceci. Deuxième, ittiba'u al-mutashabi, suivre les versets à équivoque. Troisièmement, اتباعُ الهوى, suivre les passions. Quatrièmement, معارضةُ السُنَّةِ بالقرآن, opposer la sunna au Coran. Cinquièmement, بغضُ أهلِ الأثر, l'aversion envers les gens du athar, des traditions ou des textes, c'est-à-dire les gens de la sunna. Sixièmement, تركُ انتحالِ مذهبِ السلف وتكفيرُ مخالفيهم, délaisser, le délaissement de la voie des salaf et l'excommunication ou l'anathème porté à tout contradicteur à leur voix. Septièmement, al-ijmal fi al-mawadhi' allati tahtaju ila tafsil. C'est l'approximation dans des sujets qui requièrent l'explication et le détail. Huitièmement, ittiba' adh-dhann. Suivre les conjectures. Et on sait que les conjectures ne servent à rien devant la vérité. Elles n'ont aucune valeur. Notre religion doit être basée sur des textes du Coran et de la Sunna, autrement dit sur la vérité, sur quelque chose de solide. Neuvièmement, al-mujadalatu bil-batil, la polémique dans le faux. Non pas pour élever la parole d'Allah au-dessus des autres, mais il polémique afin de secourir et de porter secours à leur voix dissidente. Dixièmement, al-mu'anadatu wal-istikbar, l'entêtement et l'orgueil, ou l'arrogance. Onzièmement, جحد الحق بعد ظهور علاماته. C'est rejeter la vérité après que ses signes sont apparus, les signes de la vérité sont apparus. Et enfin, التشهير, douzièmement, بأهل الحق والدعوة إليه. C'est le dénigrement qu'il porte envers les gens de la vérité et à ceux qui appellent à elle. Non, vous avez compris les frères ? أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع وحسرة لا تنقضي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.